Le Centre de musique baroque de Versailles présente l'ex-podcast « Musique et musiciens à la Chapelle Royale ». Découvrez toute l'histoire de la Chapelle Royale de Versailles et de ses musiciens comme vous ne l'avez jamais entendu. Lalande le Grand Maître, le concours de 1683, une expérience sonore et visuelle racontée en 6 épisodes par Suzanne Gervais, à retrouver sur expodcast.cmbv.fr, en partenariat avec le Château de Versailles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Toute la semaine, nous nous intéressons aux élites face à la crise et aujourd'hui, direction Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand il est question de faire la lumière sur une sombre affaire, l'amateur d'enquête a recours aux méthodes des grands spécialistes pour résoudre les énigmes. Il y a Hérodote, par exemple, célèbre historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, souvent surnommé le père de l'histoire. Il est l'auteur d'une œuvre intitulée « Histoire », l'occasion de rappeler qu'histoire en grec signifie « enquête ». Il y a Colombo également, à la recherche du plus petit détail, de la moindre contradiction, toujours apte à confronter les sources, les documents, les indices. Avec son éternel imperméable et sa Peugeot 403, la méthode Colombo est efficace. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous recevons deux historiens, Paulin Ismar et Vincent Azoulay, qui nous conduisent à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont l'auteur d'un ouvrage au titre intrigant, Athènes 403, une histoire chorale. Sont-ils les héritiers d'Hérodote ou de Colombo? Ben sans doute un peu des deux. Car dans cette histoire chorale, Athènes 403, par la minutie de l'enquête, il y a un peu de Peugeot 403. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, les élites en temps de crise, des intellectuels face à la guerre, à l'empire de Charlemagne qui se délite, il y a du sang dans l'encrier, des contestations dans la cité. D'ailleurs, depuis combien de temps dure la crise des élites? Eh bien, ce sont des émissions à écouter, à podcaster, la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, coup d'état sur l'Agora, Athènes 403. Avec vous, Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire grecque, ancienne professeure d'histoire grecque à l'université d'Aix-Marseille et notamment l'auteur de La démocratie contre les experts et de La cité et ses esclaves, institution, fiction, expérience. Et vous publiez aujourd'hui avec Vincent Azoulay, Athènes 403, une histoire chorale chez Flammarion. Et pour nous en parler également, Vincent Azoulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de la rédaction de la revue Les Annales, Histoire Sens Social. Dites-moi tous les deux, cette Athènes 403, une histoire chorale, ce mot chorale nous intrigue tout de suite. Il est drôlement intéressant pour nous plonger dans la Grèce antique et pour nous plonger dans une réflexion sur la démocratie. En quoi ce mot chorale, dans votre titre, est essentiel, Paulin Ismar? Bah, il est essentiel dans un double sens. En fait, d'abord, ce qu'on a voulu restituer d'une certaine façon, c'est l'importance du modèle choral pour les Grecs anciens eux-mêmes, avec cette idée que le modèle du chœur, le choros, servait pour les Grecs, et on le voit très bien dans la littérature athénienne de l'époque classique, comme modèle pour penser toute forme de collectif. Toute forme de collectif, à la fois dans son unité, dans ses hiérarchies internes, dans la polyphonie aussi qui peut s'y déployer, pouvait prendre la forme du chœur. Et le chœur, de ce point de vue-là, sert un peu de métaphore absolue pour les Athéniens, pour penser le collectif. Et puis le cœur, c'est aussi vraiment au centre du fonctionnement de la vie sociale athénienne. Tous les Athéniens sont éduqués, comme jeunes hommes, comme jeunes filles, à pratiquer les activités chorales, à danser, à chanter ensemble dans les chœurs. Donc notre idée au départ, ça a été une façon d'essayer de restituer le fonctionnement des collectifs dans la société athénienne à un moment crucial de l'histoire d'Athènes, hein, cette crise politique de la fin du 5e siècle, la guerre civile de l'année 404-403, en essayant d'être fidèle à la façon dont les Athéniens eux-mêmes concevaient leur collectif et leur société. Donc en essayant du coup de restituer des chœurs et au centre de ces chœurs, des coryphées, c'est-à-dire le coryphée, hein, dans les chœurs antiques, c'est le porte-parole du chœur. Et donc la façon dont le livre se déploie, il s'agit à chaque fois de choisir un personnage en considérant qu'il serait comme le coryphée d'un chœur, et de restituer son expérience sociale, le monde social qui l'entoure, le chœur dont il est le coryphée. Et c'est comme ça qu'on suit le destin d'une dizaine de personnages au cours de l'année 404-403. Et puis il y a une autre dimension, pardon d'être un tout petit peu long, mais il y a une autre dimension qui pour nous est très importante. Quand on parle d'histoire chorale au sens large, c'est en fait aussi en s'inspirant de toutes les réflexions qui ont été menées sur le genre choral, ou sur le roman choral, sur le film choral, ou ce que certains ont appelé aussi le roman pluraliste. C'est-à-dire la façon dont on peut raconter une histoire, l'histoire d'un collectif sous une forme chorale. Et de ce point de vue-là, il y a une réflexion qui pour nous a été assez précieuse. Justement, je parlais du roman pluraliste. C'est une réflexion qui a été conduite dans le cadre des études littéraires, en particulier par quelqu'un qui un jeune chercheur qui s'appelle Vincent Message, qui a réfléchi autour des romans de Carlos Fuentes, de Thomas Pynchon, de Salman Rushdie, et qui a réfléchi à la façon dont ces auteurs, à chaque fois dans leur œuvre, réfléchissaient à la construction kaléidoscopique des récits, la multiplication des voix et des registres de langue, tout ça qui sont au cœur de leurs romans. Et Message montre bien qu'à chaque fois, en fait, ces romans réfléchissent sur ce que serait l'effort collectif d'une société qui est toujours en train de se construire, qui est toujours en train de se faire dans cette polyphonie. On pourrait aussi parler d'une façon de roman polyphonique. Et c'est aussi ça qu'on a voulu faire au sujet de la société athénienne de la fin du 5e siècle, réfléchir à la façon dont cette société se défait et se refait. Et pour ça, il fallait adopter, de toute façon, cette forme d'écriture de l'histoire chorale, où on prend une pluralité d'individus, mais ce qui finalement est à l'horizon, c'est bien la question de l'unité de cette société athénienne à un moment dramatique de son histoire. Voilà, un moment dramatique de son histoire, Athènes 403, donc 404-403 avant Jésus-Christ, la guerre civile au cœur de la démocratie athénienne. Vincent Azoulay, vous êtes l'auteur de Xénophon et les grâces du pouvoir, d'un ouvrage qui s'intitule également Périclès, la démocratie à l'épreuve du grand homme. Ce mot grand homme d'ailleurs est intéressant d'apparaître souvent. La démocratie athénienne est résumée à quelques personnages, Solon, Périclès par exemple. Et là, la démarche de faire cette histoire chorale, c'est-à-dire au moment de la crise de la démocratie, de regarder plusieurs cheminements, donnait une pertinence à l'approche de ce temps particulier qui est en fait très court, hein, quelques mois dans l'Athènes antique, mais essentiel pour comprendre le fonctionnement de la démocratie avant, pendant et après. Oui, tout à fait. Et nous avons effectivement saisi un événement pour essayer de voir comment la société athénienne se comportait à ce stress test, pourrait-on dire, hein, cette épreuve extrêmement sanglante qui se situe à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, après une guerre dont on a peine à imaginer aujourd'hui les ravages. Mais il faut imaginer comme s'il y avait eu en 25 ans deux guerres de 14, je parle en pourcentage de mortalité parmi les citoyens athéniens, donc une brutalisation de la société athénienne extraordinaire qui débouche sur le délitement de la démocratie, donc à la fin de la guerre du Péloponnèse, donc perdue par les Athéniens contre Sparte, et l'instauration d'une oligarchie qui devient très vite sanguinaire. Et on parle de terreur souvent, terreur imposée par les 30 tyrans, qui en réalité sont les oligarques qui ont pris le pouvoir et mis à bas le régime démocratique, restreignant les droits civiques à peine, plus exactement 3000 citoyens. Et donc c'est ce moment extrêmement brutal qui permet d'apercevoir dans toute sa clarté les fonctionnements des collectifs et leur mode de composition et de recomposition. Avec le retour de la démocratie en 403, après quelques mois de cette expérience extrêmement brutale, et une démocratie qui va ensuite être stable, et toujours plus démocratique au cours du IVe siècle, mais avec un autre rapport certainement à sa propre historicité, se pensant plutôt comme le retour du régime démocratique des ancêtres. Donc c'est cette césure fondamentale, cet événement crucial qui nous a amené à saisir ces trajectoires chorales, dans la mesure où, dans la fournaise de l'événement, les Athéniens mobilisent la figure du chœur pour penser les processus de composition et de décomposition de leur communauté. C'est le héros Cléocritos qui, à un moment où les deux camps, les oligarques et les démocrates, se sont affrontés, où le sang a coulé entre citoyens athéniens, vient demander aux oligarques qu'ils viennent de vaincre, mais la guerre n'est pas encore finie, ils viennent simplement de remporter une bataille. Donc cet héros Cléocritos, porte-parole des démocrates, vient demander aux oligarques « Pourquoi nous tuez-vous, nous qui avons évolué dans les mêmes chœurs, nous qui avons eu la même formation chorale ?» Donc cette figure du chœur ressurgit dans la fournaise de l'événement et nous permet de mobiliser ensuite cette métaphore absolue pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement des collectifs athéniens. Eh bien, pour mêler ma voix au chœur que vous nous proposez, Vincent Azoulay, Paulin Ismar, je vous propose un hymne à Némésis, la colère divine, pour voix d'homme et ensemble instrumental. C'est de la musique antique reconstituée et c'est sublime. Un hymne à Némésis dans le cours de l'histoire, et le cours de l'histoire s'intéresse toute la semaine aux élites face à la crise. La crise, en l'occurrence, pour la démocratie athénienne, c'est la défaite en 404 avant Jésus-Christ, la défaite face à Sparte, suite à la guerre du Péloponnèse. Paulin Ismar, pour bien comprendre la difficulté de relation entre ces élites, ce que nous évoquons, les oligarques, les démocrates, évoquons cette démocratie avant la guerre, avant la crise. Les élites existent dans cette démocratie. La démocratie athénienne n'est pas la pureté absolue du régime politique. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a les inégalités sociales à l'intérieur même du corps civique sont extrêmement importantes, et il y a quelques grandes familles qui ont une influence sur le fonctionnement du jeu politique tout à fait importante, au moins, enfin, de façon très claire, dans la première moitié du 5e siècle, mais l'histoire de la démocratie athénienne, et en particulier au fur et à mesure que la guerre du Péloponnèse se développe dans la deuxième moitié du 5e siècle, fait un peu, ébranle un peu l'autorité de cette élite traditionnelle dans le fonctionnement du jeu politique. Ce qui est important à retenir, Vincent en parlerait sans doute mieux que moi, mais c'est que tout autant que la participation de tous les citoyens aux institutions civiques est au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, ce qui est aussi très très important dans l'idéologie démocratique, c'est vraiment le contrôle exercé par le peuple sur les élites. Et ce contrôle, d'une façon, se renforce dans le courant de la guerre du Péloponnèse. Et d'une certaine façon, les élites traditionnels vivent de plus en plus douloureusement le pouvoir croissant qu'acquiert le peuple dans les années 430, 420, 410. Et une figure qui incarne très bien ce basculement, c'est la figure du démagogue, tel que des auteurs comme Platon peut la réfléchir à la fin du 5e, enfin dans le courant du 4e siècle. Le démagogue, alors on a quelques grandes figures comme ça de démagogues pendant la guerre du Péloponnèse, c'est Cléon, Hyperbolos, Cléophon. Littéralement, le démagogue, c'est celui qui conduit, qui guide le peuple. Mais Platon l'explique très très bien, d'une certaine façon, le démagogue, c'est aussi l'inverse. L'apparition de la figure du démagogue est la preuve qu'en réalité, c'est désormais le peuple qui guide ou qui domine ses propres élites. Donc il y a toute cette tension qui évidemment est à l'œuvre dans la société, dans la politique athénienne au cours des années 420-410 et qui est à l'arrière-plan de la crise politique ou du coup d'État oligarchique de 404-403. La tension est essentielle dans cette réflexion sur la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'équilibre est nécessaire, Vincent Azoulay. Et peut-on dire que le moment de crise est essentiel pour comprendre l'évolution, ce coup d'État, cette prise du pouvoir par les tyrans en 404, parce que l'équilibre est rompu, la crise rompt un équilibre qui fait que la démocratie ne peut plus fonctionner telle qu'elle. Alors oui, d'une certaine façon. Pour revenir, cette question des élites est vraiment, vraiment cruciale, parce qu'il n'y a pas de systèmes sociaux qui fonctionnent sans des élites. Et le problème n'est pas les élites en tant que telles, mais à la fois leur composition, leur nombre, et puis surtout la façon dont on les contrôle. Et on a du mal à se représenter effectivement l'étroitesse du contrôle des élites dans l'Athènes démocratique du 5e siècle. Ils se font agonir d'injures au théâtre, mais ils sont surtout contrôlés tous les ans, voire tous les mois. À l'Assemblée, on ne délègue pas la moindre parcelle d'autorité à ces élites sans un contrôle absolument tatillon et des risques qui vont jusqu'à l'exécution. Hein. Dès qu'on perd une bataille, on risque d'être accusé de haute trahison dans la démocratie athénienne. Et donc, il y a voilà, une férocité du contrôle des élites qui, auquel correspond voilà, la réalité de la démocratie. Et donc, ce qui se passe en 404-403, c'est effectivement une rupture de cet équilibre, mais à la faveur, alors, j'ai pas envie de dire d'un coup d'État, parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est surtout que Athènes a perdu la guerre, et donc, les Spartiates obligent d'une certaine façon, avec, voilà, un certain nombre d'agents de liaison au sein de la communauté athénienne, obligent à ce que la cité change de régime. Donc, coup d'État d'une certaine façon, mais voilà, de toute façon, sous la contrainte du pouvoir spartiate. Et donc, effectivement, à partir de là, dans ce cadre géopolitique nouveau, eh bien, la démocratie est renversée et d'anciens membres des élites qui jouaient le jeu de la démocratie jusque-là, voilà, vont se retourner contre le régime comme si ils avaient été réprimés durant des décennies et que voilà, une sorte de retour du refoulé, ils pouvaient à nouveau manifester leur supériorité politique et sociale. Et donc effectivement, c'est une tension liée à un contrôle extrêmement puissant du peuple sur les élites qui en vient à se relâcher du fait d'un choc externe, c'est-à-dire la défaite d'Athènes face à Sparte. Et ainsi, après la défaite d'Athènes face à Sparte en 404 avant Jésus-Christ, avec l'aide de quelques Spartiates, une partie des élites athéniennes prennent le pouvoir. Ce sont les 30 tyrans. C'est la tyrannie des 30 que l'on croise dans le téléfilm Socrate de Roberto Rossellini en 1974. Ces tyrans ont déjà condamné au supplice 1500 Athéniens, sans que nul jusqu'ici ne se soit révolté. Et Critias est le plus cruel. Critias, un de tes anciens disciples, devenu le pire des assassins. Si un berger égorgeait la moitié de son troupeau et laissait mourir de faim l'autre moitié, il ne pourrait plus dire qu'il est un berger. Ceux-là tuent leurs sujets et se disent de bons chefs d'État. Hier Alcibiade, aujourd'hui Critias. Quelle tristesse pour Socrate de voir ses anciens disciples se transformer en tyrans. Il faut implorer les dieux, de craindre que Socrate ne nous abandonne. On prie les dieux pour qu'ils favorisent notre destin. Il vaudrait mieux les prier de nous aider à naviguer vers le bien. Que le souffle divin gonfle nos voiles, que nous soyons transportés par la joie des marins apercevant la terre. La médecine veille sur les corps, la politique doit veiller sur les âmes. Elle n'est pas l'art de la domination, mais l'art de rendre à tous la justice. Bien, Socrate, éloignons-nous. Éloignons-nous. Socrate dans le téléfilm de Roberto Rossellini en 1974 à propos de ce moment très particulier, ces quelques mois à Athènes en 404-403 avant Jésus-Christ, quand les 30 imposent leur pouvoir, l'oligarchie. Dites-nous, Paulin Ismar, vous êtes l'auteur de La démocratie contre les experts. C'est vrai que c'est intéressant toujours cette réflexion, comment la démocratie peut lutter, et notamment en période de crise. Athènes vient d'être défaite. C'est vrai que le discours pourrait apparaître facile de dire ben, la démocratie a perdu, elle n'a pas réussi à conduire la cité à la victoire. Comment se construisent les discours de justification de ces 30 pour prendre le pouvoir? Alors, c'est pas, on peut, de toute façon, on ne peut pas dire que, disons, c'est le régime démocratique qui a conduit Athènes à la défaite à la fin de la guerre du Péloponnèse. Très souvent, vous savez, dans l'histoire, dans notre regard sur l'histoire de la démocratie athénienne, on a voulu imputer les défaites militaires d'Athènes à ce qui serait un dérèglement ou à un déclin progressif des institutions démocratiques. Il faut, enfin, cette lecture ne tient pas. Je veux dire, dans la longue durée même de l'histoire athénienne, et il faut toujours rappeler que l'histoire même de la démocratie athénienne, elle est extrêmement longue. Hein. La démocratie s'inaugure à la fin du VIe siècle et elle s'achève avec la conquête par les Romains d'Athènes au tout début du premier siècle. Avant notre ère. Donc, en fait, les oligarques, les partisans de l'oligarchie, prennent prétexte de la défaite des Athéniens pour mener à bien le projet politique qu'ils nourrissent depuis un certain nombre d'années, qui est bel et bien celui de renverser la démocratie. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut, je crois, lire les événements de la fin du 5e siècle. Et Vincent Azoulay, justement, nous voyons ce projet un peu sur un plus long terme que simplement le temps précis de la crise qui serait celui de la défaite. Cette volonté de renverser la démocratie pourrait aussi être vue comme une volonté d'adapter la démocratie, parce que les 30 n'abolissent pas toutes les institutions. Il y a quand même une réflexion pour faire participer une partie de la population au régime. Oui, tout à fait. C'est effectivement, c'est le paradoxe. On identifie aujourd'hui la démocratie à la participation populaire. Or, quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit que la démocratie fonctionne avec un fort degré d'absentéisme, et tout simplement parce que les Athéniens sont sollicités à de très nombreuses occasions pour participer à des fêtes, à l'armée, à toute une série d'activités collectives, et qui ne peuvent pas être tout le temps dans les institutions. Et ceux qui véritablement mettent la participation au cœur de leur projet politique, ce sont les oligarques. Les oligarques, et notamment en 404-403, ce sont ceux qui imposent la participation obligatoire des citoyens, mais d'un corps civique réduit à seulement 3000 personnes. Alors que, pour donner une idée, hein, la démocratie athénienne, au milieu du 5e siècle, c'est entre 50 et 60 000 citoyens. Vous voyez, une réduction drastique et une participation obligatoire, donc un activisme politique extrêmement fort du côté de l'oligarchie. Hein, donc l'oligarchie ne doit pas se penser simplement en opposition à la démocratie, mais comme une radicalisation de certaines formes de participation qui se sont inventées, notamment dans le cadre du régime démocratique. Et c'est bien ce que tentent Critias et ses compères. Hein, l'extrait de film était tout à fait extraordinaire. Voilà, essayer d'impliquer tous les citoyens de l'oligarchie dans les crimes de masse qui sont commis alors. Et c'est bien ce que refuse Socrate. Socrate qui est resté en ville, qui a essayé de rester neutre. Hein. Il y a aussi toute une réflexion dans le livre sur ce qu'est la neutralité en temps de guerre civile, et qui ne veut pas précisément rejoindre l'activisme obligé des oligarques dans le cadre du nouveau régime qui a mis à bas la démocratie en 404. Donc voilà, c'est effectivement une réflexion aussi sur la façon dont s'articulent démocratie et oligarchie dans le cadre de l'Athènes du 5e et du début du 4e siècle. Oui, une réflexion d'ailleurs qui est pertinente et en écho hein, évident à notre contemporain dans votre ouvrage Athènes 403, une histoire chorale publiée chez Flammarion. Vincent Azoulay, Paulin Ismar, ce coup d'État. Et on a dit que c'était pas un coup d'État. Cette prise de pouvoir par les 30 en 404 avant Jésus-Christ, suite à la défaite face à Sparte, est suivie d'un retour des démocrates. Ce retour se fait en 403, d'où le titre de votre ouvrage. Il se fait notamment grâce à des démocrates qui avaient réussi à garder foi dans la démocratie, notamment Thrasybule, et ce qu'on appelle ceux du Pirée, parce qu'ils arrivent par le Pirée, le port d'Athènes. Et bien nous allons justement dans le Pirée à la rencontre de Mélina Mercouri avec les enfants du Pirée. Παράθυρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Πώς θα θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πώς θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γεμίζει από παιδιά. Les enfants du Pirée par Mélina Mercouri dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Émilie Valla avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Le cours de l'histoire s'intéresse aux élites face à la crise et notamment dans une crise athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. 404-403, quand les 30 sont au pouvoir à Athènes. Dites-nous, Paulin Ismar, nous avons dans votre histoire chorale Athènes 403 plein de personnages. Il y a des choix individuels, des choix de groupe, d'où l'intérêt de cette notion de chorale. L'idée de démocratie existe toujours à Athènes, c'est-à-dire qu'il y a des exilés. La démocratie portée par des hommes est une idée sur le long terme. Depuis Clisthène, depuis Solon, elle est toujours présente. Il y a un combat, alors rhétorique, mais pas seulement rhétorique, pour défendre la démocratie. Oui, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des personnages, en fait, il y a deux types de démarches un peu qu'on a suivies. C'est-à-dire des personnages majuscules, des grandes figures de l'histoire athénienne du 5e siècle, Critias, Thrasybule, Socrate, Lysias, des personnages qu'on connaît bien et autour desquels la documentation est en fait assez abondante. Et alors là, dans ce cas-là, notre travail, c'est très souvent de déconstruire une grande partie les discours tout faits qu'on a construits sur ces personnages pour essayer de restituer de manière beaucoup plus fine. Pas tellement qu'elle, enfin non seulement qu'elle a été leur existence, qu'elle a été leur rôle au cours des événements de l'année 404-403, mais aussi qu'elle a été leur monde social. Au-delà, par exemple, des distinctions traditionnelles entre le monde des citoyens, le monde des métèques, celui des esclaves, on montre que tout ça est en fait beaucoup plus mobile, fluide et complexe, mais aussi, je crois, beaucoup plus riche. Et puis il y a d'autres types de personnages qui nous servent de coryphées. Et cette fois-ci, on pourrait dire, ce sont des vies minuscules, c'est-à-dire des personnages autour desquels on a enfin nos sources sont très très minces, et il s'agit cette fois-ci, parfois en partant d'un nom gravé sur un monument, sur une stèle, de tenter de reconstituer quel a été leur monde, leur univers social. Alors c'est par exemple un esclave devenu métèque qui vend des légumes sur l'agora, qui s'appelle Guéris. C'est une femme du nom d'Egesso. C'est un travailleur de statut libre qui s'appelle Eutéros. Donc voilà, il y a ces deux types de personnages qu'on voit agir au cours de l'année 404-403. Mais en définitive, c'est comme vous le dites, la question c'est bien celle de la pluralité qui est au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne. Et c'est ça aussi que le modèle choral nous permet de mieux mettre en valeur. Et puis, il y a la question du choix qui apparaît dans ces moments de crise. Faire de l'histoire, c'est toujours travailler sur le temps. Et en l'occurrence, pour cette crise athénienne de 404 à 403 avant Jésus-Christ, ce ne sont que quelques mois, mais les choses vont très vite et ils sont majeurs. Il faut faire des choix radicaux. Vincent Azoulay, il y a aussi cette interrogation du parcours du choix individuel face à la crise. Mais le choix individuel est souvent conditionné par une situation sociale et puis par un rapport de force. Vous l'avez rappelé. Cette tyrannie des 30 à Athènes est extrêmement violente. Oui, tout à fait. Effectivement, on saisit comme cela toute une série de parcours. Donc, Thrasybule, notamment le grand homme de la résistance aux 30, parti de Thèbes et qui va effectivement réussir à rallier au fur et à mesure un certain nombre de citoyens, de métèques et même d'esclaves, d'abord dans une forteresse au nord de l'Attique, le territoire d'Athènes, à Philae, puis ensuite au Pirée. Et c'est effectivement du Pirée que va se faire la contre-attaque des démocrates face aux oligarques. Donc, Thrasybule, et donc là déjà toute une série de choix avec des moments, les moments où on rallie les démocrates et on... comme dans toute forme de résistance, il y a les résistants de la 25e heure aussi, ceux qui viennent au secours de la victoire. Et donc, effectivement, on a tous ces choix individuels, ceux qui restent en ville aussi, ceux qui restent parmi les oligarques, parfois ne s'y ralliant pas de façon active, comme par exemple Socrate, qui pose toute la question de la neutralité, et puis aussi une masse d'Athéniens qui, soit part en exil, soit reste sur leur domaine et qui ne prennent pas parti, parce que effectivement on a la guerre civile, c'est en principe le moment où on dit choisis ton camp, camarade. Il y a des amis et des ennemis, mais en réalité on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes et que face à ces choix radicaux, il y a toute une partie des Athéniens qui ont décidé de ne pas s'engager sur cette modalité de l'inimitié radicale, de l'hostilité. Oui. Et donc, effectivement, c'est tous ces choix que ces parcours choraux nous permettent de mettre en lumière. Et donc, notamment la question de la neutralité, qui est une façon de prendre aussi à rebrousse-poil les clichés sur la démocratie athénienne, où on imagine toujours des citoyens vivant sur un mode politique de très haute intensité. Et on s'aperçoit, en tout cas, on a essayé de montrer que, même en pleine guerre civile, eh bien, effectivement, les choix étaient divers et ne pouvaient pas être simplement... reconduit à les démocrates enragés et les oligarques radicaux. Voilà, face à la crise, il y en a toujours qui disent Philon, Philon, Philon, citoyen de naissance à Athènes, qui s'était installé, lui, hors de la ville pendant le règne des 30. Écoutez ce qu'en écrit l'orateur Lysias, Lysias que vous avez cité, Paulin Ismar, va falloir nous le présenter parce qu'il y a un chapitre dans votre ouvrage qui s'intitule « Lysias, l'homme pluriel ». Et ce côté pluriel, peut-être girouette, nous intéresse. Élodie Hubert nous lit cet extrait de « Contre Philon » de Lysias. Quand ceux de Philae revinrent au Pirée, quand non seulement de la campagne, mais de l'étranger, les gens affluaient, qui dans la ville, qui dans le Pirée, quand chacun dans la mesure de ses forces se portait au secours de la patrie, sa conduite fut l'opposé de celle de tous les autres citoyens. Il ramassa ses biens, il quitta sa patrie pour s'en aller à l'étranger, à Oropos, où il paya la taxe des métèques et résida sous un patron. Il aima mieux être métèque en ce pays que citoyen parmi vous. Élodie Hubert qui nous lisait un extrait du Contre-Philon de Lysias, Paulin Ismar. Donc ce Lysias, cet homme pluriel, voilà, c'est un destin qui est confronté à cette oligarchie des 30 à Athènes en 404-403 avant Jésus-Christ. Personnage complexe, donc l'élite aide parfois les démocrates. C'est le cas de Lysias qui apporte son soutien à Thrasybule, notamment pour le retour de la démocratie. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais alors, Lysias, pour nous, il est important parce que et c'est pour ça qu'il clôt le livre aussi, parce qu'en fait, une grande partie de nos sources sur les événements de 404-403 provient des plaidoyers de Lysias. Et en même temps, il y a quelque chose de très paradoxal par rapport à la démarche dont je parlais juste avant concernant Lysias, c'est qu'on utilise la figure de Lysias très souvent comme un archétype de ce que serait le métèque dans la société athénienne de l'époque classique, c'est-à-dire l'étranger résident à Athènes qui n'a pas le droit de citoyenneté, mais qui est installé durablement dans la cité d'Athènes. Et on utilise le cas de Lysias pour présenter, on l'utilise comme un archétype de ce que serait le métèque. Et en même temps, on utilise d'une façon aussi le modèle, selon un raisonnement presque circulaire, de ce qu'on sait du métèque pour présenter Lysias au point de le réduire à cette dimension-là de son identité. Mais en réalité, le cas Lysias est beaucoup, beaucoup plus complexe et ça permet justement de mettre en lumière vraiment les différentes dimensions, les différentes facettes de la vie sociale athénienne dans toutes les complexités à la fois statutaires et puis dans l'organisation dans la vie, les pratiques de sociabilité, parce que le monde social de Lysias est en fait d'une très très grande richesse, d'où ce terme d'homme pluriel. Terme d'homme pluriel pour cet individu, mais il y a tant et tant d'individus qui traversent cette crise athénienne à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vincent Azoulay, le regard porté sur ces destins individuels permet d'avoir des cheminements sur un temps plus long et sur ces structures sociales qu'évoquait Paulin Ismar. La démocratie était présente au 5e siècle, elle est chahutée par les 30 et puis elle est restaurée en 403. Avant Jésus-Christ. Mais dans sa composition sociale, dans le rapport que les uns ont avec les autres, là, nous avons entendu parler des métèques. Les métèques, ces hommes libres sans être citoyens. Il y a toujours les esclaves. Les femmes sont toujours exclues de la cité. Est-ce que la crise des élites a un effet sur la société athénienne? Oui, vaste question. Et effectivement, et vaste question avec une riche historiographie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait de ce moment 404-403 un moment de rupture entre la glorieuse démocratie du 5e siècle, démocratie toujours plus radicale, et une démocratie modérée, voire alanguie, du 4e siècle, bientôt basculant dans la décadence avec l'arrivée de Philippe de Macédoine, puis de son fils Alexandre le Grand, qui aurait mis fin à la démocratie. Mais tout cela, en réalité, les historiennes et les historiens ont déconstruit au cours de ces 50 dernières années ce grand récit, alors qui est en partie le produit des sources athéniennes, mais de sources athéniennes du 4e siècle qui ont tendance, alors d'une part, à être écrites plutôt par des oligarques, parce que les grandes sources du IVe siècle, à part les orateurs attiques comme Lysias, ben c'est avant tout les Platons, Xénophon, Isocrate, qui n'ont absolument pas une vision positive de la démocratie, mais un cliché qui est même nourri par un certain nombre de sources démocratiques. Mais il faut bien comprendre que c'est en général dans les sources démocratiques, hein, cette vision d'une démocratie modérée et alanguie est souvent en réalité un appel, un sursaut démocratique populaire, et on pourrait dire, on essaye de montrer au IVe siècle, qu'au cours du IVe siècle, donc après la révolution oligarchique et le retour de la démocratie, eh bien, le régime politique athénien n'a jamais été aussi démocratique. Mais simplement, ce qui se passe, c'est un changement de régime d'historicité, dirait François Hartog, c'est-à-dire la façon dont les Athéniens vivent leur présent et leur passé se modifient, et ils ont tendance à vouloir se référer toujours aux ancêtres pour, en quelque sorte, masquer les innovations politiques qu'ils sont en train de faire. Et donc on a effectivement un événement en rupture, mais qui ne change pas en réalité tellement les pratiques politiques. On pourrait même dire que la démocratie s'approfondit, mais qui change la perception de l'historicité de la démocratie athénienne, ce qui fait que pour les historiennes et les historiens d'aujourd'hui, il est plus difficile, mais mais de nombreux à s'être attelés à cette tâche, il est plus difficile de saisir effectivement la nature véritablement démocratique du régime au IVe siècle, qu'il est bien pourtant. Eh bien justement, nous allons rester au IVe siècle avant Jésus-Christ avec Aristote. Hein, Vincent Azoulay, vous avez cité Alexandre le Grand, ben voilà, Aristote n'est jamais très loin. C'est un extrait de La Politique d'Aristote qui nous est lu par Élodie Hubert. Une pluralité de gens, qui un par un sont des hommes sans valeur politique, est néanmoins capable, quand elle est rassemblée, d'être meilleure qu'une élite. Non pas quand on les prend un par un, mais tous ensemble. Comme les repas où chacun apporte son écho sont meilleurs que ceux où un seul régale. En effet, lorsqu'il y a pluralité, chaque partie possède une partie de vertu et de sagesse pratique. Et quand la pluralité se rassemble, exactement comme la foule devient un seul homme plein de pieds, plein de mains et de sensibilité, il en va de même pour les dispositions morales et intellectuelles. C'est pourquoi la pluralité juge mieux les œuvres musicales et poétiques. Chacun juge une partie et tous jugent le tout. Un extrait de La Politique d'Aristote lu par Élodie Hubert. Avec Aristote, nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes après cette crise à Athènes, la crise des 30, les 30 tyrans. Et Aristote dit quelque chose de très beau, Vincent Azoulay, hein, que un ensemble assemblé, cohérent, peut être plus efficace qu'une élite. Mais malgré tout, Aristote n'est pas dans cette même réflexion de ce qu'est la démocratie que les père de l'origine de la démocratie athénienne, Solon ou Clisthène. Il y a une évolution, mais j'ai envie de dire que l'idée de la démocratie est maintenant quelque chose d'acquis. Après, c'est comment il faut adapter la démocratie, le rapport avec l'élite à chaque moment. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce passage d'Aristote est important pour nous parce qu'il montre bien la nature profondément polyphonique, plurielle et éventuellement dissonante qui caractérise le régime démocratique. Parce que ça, on peut revenir sur la choralité, hein. Ce sont des gens qui chantent et qui dansent en commun, donc on peut voir ça comme une figure de l'union, la choralité, mais en réalité, les chœurs, ils sont à Athènes dans des systèmes de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul chœur qui chante et danse et qui incarnerait la voix de la cité, ce sont toujours plusieurs chœurs qui sont confrontés, et cela montre bien voilà, le caractère toujours pluriel et potentiellement dissonant, hein, parce que voilà, on cherche à remporter la victoire, il y a une culture de ce que les Grecs appellent l'agone, c'est-à-dire la compétition extrêmement forte, qui caractérise donc ces chœurs affrontés. Et donc cette pluralité, cette polyphonie, elle est au cœur du fonctionnement du régime démocratique, et c'est ce que saisit extrêmement bien Aristote, qui, dans son œuvre, dans La Politique d'Aristote, dans la politique, donc, justement, mobilise à plusieurs endroits stratégiques la figure du cœur pour montrer la spécificité du régime démocratique. Donc, effectivement, tout après est une question de réglage sur le caractère compétitif, pluriel et dissonant, plus ou moins pluriel, plus ou moins dissonant, qui caractérise la communauté démocratique athénienne. Et dans son extrait de La Politique, dans l'extrait que nous avons entendu, Aristote dit que la foule devient un seul homme de plein pied. Dans votre ouvrage, Vincent Azoulay, Paulin Ismar, Athènes 403, nous sommes surpris dès les premières lignes. Je les lis. Le 11 janvier 2015, des millions de personnes défilèrent dans les rues à Paris et en province, sonnées par les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et les Français de confession juive. Alors, vous le dites tout de suite dans l'introduction. Oui, ça pourrait paraître absurde de commencer un livre sur Athènes 403 par l'évocation de ces grandes manifestations de 2015. Paulin Ismar, pourquoi avoir fait ce choix? Le choix d'ouvrir le livre, parce que par le souvenir de ces manifestations de janvier, elles nous ont évidemment beaucoup marqué. C'est aussi une réflexion sur ce qu'est une émotion collective. Et on le dit dans le livre, c'était aussi ce qu'on a ressenti ce jour-là, le besoin de descendre dans la rue, de se réunir ensemble. Et dans le dans le cœur, il y a aussi l'idée que c'est un collectif qui repose sur évidemment des corps actifs ensemble, mais qui aussi permet de réfléchir au statut des émotions en politique. Et c'est ça aussi qui nous semble vraiment important dans cette réflexion sur la choralité. Bon, et évidemment, ce qui était en jeu aussi à travers les attentats de janvier 2015, c'était cette invocation à refaire société, à reconstruire le lien qui nous unit tous ensemble en tant que Français. Bon, et c'est cette idée-là d'une société, enfin, en tout cas, l'idée de la refondation. Elle est au cœur aussi des événements de 403. Et puis, refondation de la démocratie athénienne. Paulin Ismar, vous êtes spécialiste des esclaves dans l'Antiquité, avec toute la réflexion, et ça vaut pour la démocratie antique, de ceux qui sont exclus, faire société, sachant que dans la société, certains sont exclus. Bien sûr, et c'est quand même une grande question qui traverse le livre, en réalité. Est-ce qu'on peut véritablement parler de société athénienne? Ça ne va pas de soi. D'abord, il n'y a pas de terme en grec qui correspond à nous, ce que nous entendons sous le terme de société. Hein. Quand les Athéniens se représentent leur société, d'abord, il y a une distinction absolument cardinale qui organise le monde social. C'est le monde des libres et le monde des esclaves, qui sont deux mondes absolument différents dans la façon dont les Grecs se représentent leur société. Et en même temps, n'empêche que dans l'ensemble de la vie sociale, il y a plein d'espaces partagés dans lesquels les libres et les esclaves vivent d'une manière ou d'une autre ensemble. Et donc, on s'est intéressé à une ou deux figures d'esclaves qui apparaissent au cours des événements de l'année 404-403 pour essayer de restituer à la fois ce qui les différencie irrémédiablement et ce qui les coupe définitivement du monde des libres, et en même temps la façon dont ils participent à l'ensemble de cette société. Donc oui, la question de l'unité de cette société et des grandes coupures qui la traversent sont évidemment au cœur du livre. Écoutez, merci beaucoup Paulin Ismar, Vincent Azoulay, pour cette histoire chorale avec de l'émotion, hein, parce que dans le cœur il y a la chorale, mais dans le cœur il y a celui qui bat aussi. C'est Athènes 403, publié aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à vous deux. Et il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un monument historique controversé. Le Sacré-Cœur, un des monuments incontournables du parcours touristique parisien, a été inscrit au titre des monuments historiques. Une distinction qui nourrit le retour d'une querelle sur la mémoire d'une expérience politique singulière, la Commune de Paris, qui de mars à mai 1871 a gouverné la capitale tout en livrant une guerre au gouvernement des Versaillais. Françoise Bazire, secrétaire générale des Amis de la Commune, s'exprimait au micro de France 3, c'était le 15 octobre. Là, on est en train d'honorer les bourreaux, mais on punit encore les gens de la Commune qui ont lutté pour une République universelle, pour une société d'égalité. Parce que la construction de la basilique du Sacré-Cœur est réputée avoir été décidée pour laver les errances barbares de la Commune, une fois celle-ci écrasée au cours de la Semaine sanglante, ce classement constitue une provocation pour les défenseurs de la mémoire des communards. Tandis que les défenseurs du classement, la mairie de Paris et le ministère de la Culture, ont répondu que l'opération permettrait la reconnaissance de son architecture hors norme et une réconciliation entre Versaillais et communards un siècle et demi après l'événement. Une hostilité bien ancienne, entretenue par un folklore inventif et créateur de nombreux sobriquets tout à fait dévalorisants, pour désigner la monumentale église néo-byzantine qui domine la butte Montmartre. Cette verrue versaillaise, cet odieux pain de sucre ou encore ce chou à la crème criard semblait pourtant avoir perdu de son aura subversive. Son projet punitif et expiatoire n'intéressait plus vraiment les promeneurs et les promeneuses, engloutis par le décor de cartes postales du quartier avec ses commerces et ses bistrots-terrasses. Dans les pages de l'Humanité, l'historien Olivier Le Trocœur, interrogé par Aurélien Souchère, rappelle que la construction d'un édifice religieux était déjà dans les tuyaux bien avant la Commune, avec un objectif antirévolutionnaire déjà affiché pour contribuer au redressement moral d'une France où la sécularisation des pratiques et des esprits grignotait progressivement l'autorité de l'Église catholique. La défaite de la Commune a donné d'autant plus de force au projet, jusqu'à la pose de sa première pierre en 1875. L'historienne Mathilde Larère rappelle quant à elle qu'il y a eu depuis des tentatives de correction, d'équilibrage mémoriel dans le voisinage à l'ombre du gigantisme du bâtiment. Son adresse officielle, 6 rue du Chevalier de la Barre, victime et icône de l'anticléricalisme, et un square à proximité baptisé Louise Michel, une des grandes figures des communards. Pour Éric Fournier, spécialiste de la Commune qui signe une tribune dans les pages de Libération, cette polémique n'est rien d'autre qu'un combat d'arrière-garde qui masquerait la vitalité bien plus actuelle et plus opérante de la mémoire de cet épisode de l'histoire. Une mémoire vive de la Commune s'exprime depuis quelques années dans les espaces des luttes sociales les plus déterminées, dans les ZAD, dans les cortèges de tête, dans l'université de Tolbiac occupée en 2018 et parfois au dos des Gilets jaunes. Et là, il n'est ni patrimonialisation, ni réconciliation possible. Si l'actualité de la Commune ne s'exprime pas dans la célébration du Sacré-Cœur, elle agit bien ailleurs. Effectivement, l'actualité de la Commune ne s'exprime pas simplement dans la célébration du Sacré-Cœur et nous allons effectivement nous aussi en parler dans le cours de l'histoire, moment essentiel de notre histoire. On retrouve le journal de l'histoire en podcast et en écoute en ligne sur la page franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux élites en temps de crise, des intellectuels face à la guerre, à l'empire de Charlemagne qui se délite. Mais oui, il y a de la contestation dans la cité. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens. Et une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à écouter et podcaster la balado-diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, quand l'empire de Charlemagne se délite, c'est la naissance du système féodo-vassalique. Autrement dit, prends ton château, on s'en va.